bien ici la maison du bailli. Merci. Ils sont meilleurs que... n'est pas merveilleux? Comme te voilà belle, mignonne. Venez, mademoiselle, on vous regarde, nos amis seront jaloux. Nos amis ne sont pas exempts au rendez-vous. Voilà ce dont je suis bien sûr, et j'en vais profiter pour donner le goûter aux enfants. Hâte-toi, car j'entends la voiture. Suis-je bien digne de ce nom ?